Divers pays ont rapporté du 16 au 19 les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. La radio Sputnik de Russie, le journal de Hong Kong Dagombaon, la télévision satellitaire finiste en Hong Kong de Chine, l'agence de presse Gyodo et Nyongeizai Shimbun du Japon ont fait part que le maréchal Kim Jong-un a inspecté le complexe d'arboriculture fruitière d'Edongan et le centre d'élevage porcin d'Edongan. Les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée et le homepage d'internet de l'association d'amitié Pek-Tsun-Chek Corée ont annoncé son inspection du complexe d'arboriculture fruitière d'Edongan. Le homepage d'internet du comité national nigérien d'études de kimilsonisme Kim Jong-lisme a inséré son inspection des processus de production de la peinture acrylique nouvellement mis sur pied au complexe chimique de Suncheon. Et le homepage d'internet du forum allemand anti-impérialiste Les Nouvelles des Inspections a rapporté avec cette nouvelle sa visite au combinat de construction mécanique 18 janvier. Les masses médias ont présenté les photos du maréchal coréen.